Alors, ça fait un moment que j'avais envie d'enregistrer ce podcast. Alors quand j'ai enregistré ce podcast, c'est-à-dire allumer mon micro et le faire, parce que en fait cette fois-ci j'avais vraiment pas envie de prendre des notes, ce qui m'arrive. Et en même temps c'est un sujet tellement compliqué à traiter et j'ai tellement peur de me perdre moi-même dans ce que je dis que ça reste assez compliqué. Ce qui me pousse à le faire aujourd'hui, c'est déjà que j'en parle depuis un petit moment, j'en ai parlé avec plusieurs personnes autour de moi et j'ai parlé du ressenti que je m'apprête à partager autour de moi également. Et donc ça commence à être un petit peu plus clair dans ma tête. Il y a aussi bien sûr, enfin je dis bien sûr, mais franchement c'est plus un prétexte qu'autre chose. Il y a la vidéo de ContraPoints hier sur la cancel culture, donc la culture de l'annulation. C'est-à-dire les hordes de Twitter qui se jettent sur un ou une créatrice de contenu pour des raisons que je qualifierais de self-righteous, vous savez, le sentiment de légitimité, le sentiment d'être un gentil, et qui peuvent faire beaucoup de mal. Même s'il y a aussi des utilisations légitimes sans doute, je vais être assez mesurée là-dessus parce que je suis vraiment... je suis vraiment très très contre ce genre de pratique en fait, on va pas se mentir. Mais bon, je vais pas m'amuser à condamner... Not all cancel culture, vous voyez. Bref, il faut mettre pas mal de content slash trigger warning dans cette vidéo, donc des thèmes sensibles que je vais aborder. D'abord, il y a bien sûr la question de l'abus sexuel, du viol. Et ben, cette vidéo doit s'appeler quelque chose comme en finir avec le statut de victime, donc je pense qu'il faudrait peut-être mettre un warning aussi sur le fait que je vais parler d'arrêter de parler de victime, en fait, ou plutôt de revoir la conception qu'on a des victimes. C'est quelque chose qui m'effraie un peu parce que... Bon, heureusement, il n'y a personne qui écoute mes podcasts, mais sinon, je pense que je pourrais en prendre plein la gueule. De juste suggérer qu'il faut arrêter de poser les victimes en victimes. Mais bon, bref, je vais mettre un warning là-dessus. Si vous pensez que c'est un gros trigger émotionnel pour vous de déplier un petit peu le couple dichotomique victime-agresseur. Et d'essayer d'en avoir une vision plus nuancée. Je pense que si vous pensez que ça peut être un gros trigger émotionnellement, c'est peut-être mieux de ne pas écouter cette vidéo parce que sinon vous allez forcément être extrêmement choqué et vous risquez ensuite d'être extrêmement énervé et ça risque de me faire du mal. Après, si ça vous fait du bien de me faire du mal, franchement, là, faut que j'arrête de dire ça. Enfin bref, passons. Passons. J'ai aussi un peu peur par rapport aux conséquences que ça peut avoir d'avouer publiquement d'avoir été victime d'abus sexuels. J'ai pas peur de me faire j'ai pas peur de me faire comment dire mettre à l'écart ou vous savez j'ai pas la peur de subir le même traitement que les victimes de viols et d'agressions sexuelles dans l'espace médiatique. Mais j'ai peur d'inquiéter mes proches. Et en fait de susciter des réactions émotionnelles chez ces personnes-là, alors que je suis vraiment en train d'essayer d'en avoir une démarche assez intellectualiste sur le sujet. Et en fait, il y a aussi un truc qui peut-être peut aider à prendre cette vidéo dans le bon sens, entre guillemets, c'est que je pense que les agressions sexuelles sont quelque chose d'extrêmement banal, en fait. Alors, je suis pas en train de dire que ça ne cause pas de traumatisme, pas du tout, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des choses qui, en fait, se produisent tout le temps. Et donc le fait que ça me soit arrivé, c'est statistiquement tout à fait ordinaire, en fait. Donc je le vis aussi comme quelque chose de systémique et pas quelque chose de personnel. C'est vraiment plus dans son implication globale et dans ce que ça a à voir avec, avec le fonctionnement de la société et ce qu'on va appeler le patriarcat, etc., que ça m'intéresse d'en parler. Je dis ça dans un état d'esprit assez, assez froid. C'est pas... autant c'est quelque chose qui a affecté mon fonctionnement, on va dire, vraiment. Je fonctionne beaucoup moins bien depuis, c'est-à-dire que je suis pas aussi libérée, entre guillemets, sexuellement que j'ai pu l'être. Je me pose beaucoup de questions, ma sexualité est beaucoup plus chaotique et bien moindre aussi, quelque part. J'ai beaucoup plus besoin d'être en contrôle, d'être en confiance, que ce que j'ai pu l'être avant. J'essaye un petit peu de retrouver au stade béni où, où je pouvais baiser avec des potes sans me poser la question, parce que vraiment c'était sympa, hein, mais je suis clairement pas là, quoi. Et je suis pas sûre d'y retourner un jour. C'est pas forcément un mal, c'est pas forcément un objectif existentiel, bien sûr, mais en tout cas je constate qu'il y a vraiment eu des effets, même si là j'atteins une forme de stabilité un petit peu supérieure. Alors oui, je suis désolée, je commence par la fin, c'est bien, je commence par les conséquences, je commence par ce que je vais dire, je commence par les conséquences, etc. Et ensuite, je vais peut-être en venir aux faits, par exemple, maintenant. Donc je suis en train de parler d'une relation que j'ai eue il y a un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça, avec une personne qui en fait m'a fait beaucoup de chantage affectif au sexe, et m'a pas mal contrainte à avoir du sexe, en fait. Et jusqu'à un moment où j'ai vraiment vécu ça comme un viol, c'est-à-dire j'ai pas seulement analysé ça longtemps après comme un viol, mais j'ai vécu ça comme un viol. Et en plus, il m'a fait mal, physiquement. Et cette douleur-là, et le sang qu'il y a eu, j'aurais dû mettre un trigger warning sur le sang. On vraiment cristallisé le trauma. C'est-à-dire c'est à ce moment-là où ça a vraiment pris une forme extrêmement tangible et où je me suis rendu compte et où ça m'a vraiment, vraiment cristallisé ce qui m'était arrivé. Je vais commencer par dire une chose que j'aimerais entendre davantage dans les milieux féministes et autres. C'était pas un pervers narcissique. C'était pas une mauvaise personne. C'est une personne qui souffrait énormément notamment du patriarcat, en fait. Hein. Le patriarcat, ça sert aussi à ce que les hommes, ils arrêtent de souffrir de la masculinité et donc ils arrêtent de reproduire des schémas masculinistes et masculins malsains derrière. Donc c'est une personne qui, en fait, avait vraiment un ego assez détruit et qui dépendait beaucoup de mon désir pour se faire valider, en fait. Et avec des larmes, si j'avais pas envie à ce moment-là, etc. Donc qui en fait font l'effet du chantage affectif, mais je ne veux pas du tout accuser cette personne d'avoir eu l'intention à aucun moment de faire du chantage affectif. C'est juste un comportement irresponsable qui a mené à me blesser. Et une absence de remise en question de son propre... pouvoir en tant qu'homme et dans son propre positionnement dans la société. D'ailleurs, quand j'ai dit à cette personne qui m'avait violée, en fait, ça a été terrible parce qu'il ne voulait pas entendre qu'il n'était pas un monstre, en fait. Ça c'est vraiment le dirty care. C'est vraiment insupportable quand vous essayez de dire à quelqu'un, voilà, tu m'as agressé, et que cette personne dit, oh mon dieu, je suis un monstre. Je ne devrais plus jamais sortir dans l'espace public, jamais. Et que là, vous, en tant que personne qui a subi une agression quand même, et qui est en train de faire le travail émotionnel et le travail... c'est vraiment un acte courageux, en fait, de dire à la personne qui vous a agressé que c'est le cas. Vous vous retrouvez à devoir faire du care, donc à prendre soin de cette personne, pour lui dire, pour essayer de lui faire rentrer un truc très simple qui pour moi est absolument crucial, c'est tu n'es pas un monstre. Si tu étais un monstre, franchement, ça m'arrangerait. Et en plus, si seuls les monstres commettaient des agressions sexuelles, eh ben, il y en aurait vraiment, vraiment pas beaucoup des agressions. Je sais pas s'il l'a entendu. Il se trouve que par un rebondissement du destin, à peu près au moment où on s'est séparés, lui, de toute façon, il était muté en Guyane, donc on a peu de chances de se croiser dans le futur, donc c'est voilà, on n'a plus les mêmes cercles sociaux, tout ça. Même si j'ai des amis qui sont restés ses amis, et je suis ok avec ça. Comment dire ? Je vais encore partir sur un autre sujet, mais je pense que la logique avec moi ou contre moi est vraiment, vraiment, vraiment dysfonctionnelle et toxique. Hop, je mets ça sous le tapis et puis peut-être j'y reviendrai à un autre moment. En tout cas, ce qui m'a vraiment fait du mal, en fait, ce qui a créé le traumatisme, c'est que j'avais déjà eu une relation qui s'était pas très bien passée, alors pas aussi gravement que ça, mais où j'avais plutôt subi des abus de l'ordre psychologique, et là encore, qui était dû au fait que la personne était dans une situation émotionnelle de type dépression, et ça le rendait mauvais, en fait, vous savez, qu'on va dire spiteful, je sais pas comment dire en français. Bref, et je pensais que j'avais, entre-temps je suis devenue féministe, je me suis pas mal affirmée, je me suis mis à faire des choses, etc. Et je me suis dit ça ne m'arrivera plus parce que j'ai fait cette erreur-là, et donc je ne retomberai plus dans un schéma où je vais accepter, en fait, même si c'est pas très très longtemps au final, même si où je vais accepter une relation qui me soit directement nocive. Et donc là, je me suis retrouvée dans la situation où, en fait, si, avec tout mon féminisme, je me suis quand même retrouvée là-dedans. Et j'ai essayé de m'observer dans cette relation, et en fait, j'ai été irréprochable. C'est-à-dire que je n'avais rien à me reprocher. J'estimais que j'avais été... J'avais pris soin de cette personne, j'avais été raisonnable, j'avais écouté, j'avais été vraiment... J'étais allée à l'encontre de pas mal de mes schémas de comportements qui sont très frontaux. En fait, je suis quelqu'un de très frontal et je peux faire du mal juste parce que je suis incapable de... Ou je suis vraiment, vraiment pas très, très beaucoup capable de me retenir, de dénoncer quelque chose ou à l'instant T, en fait. Et enfin bon, ça c'est un petit peu à part aussi que j'ai été irréprochable. Et donc en fait, je ne trouvais rien dans mon comportement qui puisse justifier de m'être retrouvée dans cette situation-là. Et alors, c'est là où ça commence à être un petit peu touchy comme sujet, parce que effectivement ce que je suis en train de dire, c'est je n'étais pas coupable de m'être fait violer. Ça c'est la version de loin, si on zoome pas dessus, quoi. Effectivement, si on entend ça, on se dit mon Dieu, Yael est en train d'accuser les victimes d'être la plupart des victimes d'être responsables de leur viol. C'est vraiment pas ok. Effectivement, ce serait vraiment pas ok si je le disais ça. J'estime toujours que c'est les personnes qui commettent les viols qui sont coupables des viols, et les personnes qui les subissent qui n'en sont pas coupables. Néanmoins, j'aimerais introduire une nuance, notamment avec la notion de responsabilité, qui est une notion avec plein de facettes que j'ai tendance à un peu mobiliser partout, mais en l'occurrence, je cherchais, en l'occurrence, le statut de victime et le fait de me dire « j'ai été victime et c'est tout ». Me privait de toute responsabilité, donc me privait de toute puissance d'agir. En fait, la responsabilité, c'est la capacité à rendre compte de ses propres actions, à les analyser, à pouvoir les changer dans le futur, etc. Et en disant à quelqu'un « mais tu es victime, c'est tout », on prive cette personne de son agentivité. On la prive de toute capacité d'agir. Parce qu'en fait, là, ma conclusion, ça a été « il n'y a rien que je puisse faire pour ne pas être violée ». Et merde, quoi. C'est incroyablement destructeur. C'est vraiment incroyablement destructeur. Et vous savez, il y a cette phrase de Virginie Despentes, alors je fais une citation approximative, mais qui est « Être violée est le risque que je prends pour faire ce que j'ai envie de faire. » Et en fait, cette phrase me parle beaucoup parce qu'effectivement, ça pose le risque du viol comme un choix. C'est-à-dire, on va pas choisir de se faire violer, jamais, jamais, genre vraiment jamais, non, c'est jamais la faute des personnes qui se font violer si elles se font violer, mais on peut avoir le contrôle sur les statistiques quelque part, sur le facteur de risque. Et en fait, quand Virginie Despentes dit ça, elle dit « Je préfère me faire violer que arrêter de faire du stop au milieu de la campagne pour aller à des concerts de punk ». Pour schématiser. Donc elle dit ce que je pourrais faire pour ne pas être violée, c'est arrêter d'aller faire du stop au milieu de la campagne pour aller au concert de punk. Donc ça lui donne une option, en fait, si vous voulez. C'est une option qu'elle n'a pas envie de prendre et que je n'aurais pas envie de prendre, etc. Mais c'est une option, elle existe. Quand vous dites à quelqu'un Non, je vais pas essayer de trouver des exemples bidons. On va rester sur Virginie Despentes et moi, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Et en fait, ce statut de victime absolue et unilatérale et complètement fixé dans le marbre, il est paralysant. Il empêche toute agentivité. Et en fait, récemment, j'ai fini par écrire à cette personne, sachant qu'il m'avait envoyé un mail il y a quelques mois auquel j'avais pas du tout répondu, en me demandant si j'allais bien, en me disant que lui ça allait et il voulait prendre de mes nouvelles, avec un mail qui était tout à fait cordial, etc. Mais j'ai juste pas pu répondre parce que ma réponse ça aurait été bah non, ça va pas bien, bordel de merde. Et en fait, j'avais pas envie de causer plus de mal à cette. J'avais pas envie de. Comment dire? Je savais que écrire à quel point j'allais pas bien, à quel point ça avait bousillé mon rapport à la sexualité, mon rapport à mon corps, etc. Lui dire tout ça n'allait pas m'aider et ça allait lui causer de la souffrance. J'en ai pas vu l'utilité. J'ai fini par lui écrire un mail assez récemment là-dessus parce que je me suis dit peut-être que. Maintenant que je suis à peu près capable de recul et où en plus je vois qu'il reste des blocages alors que je pensais que je les avais dépassés, je vais lui écrire ça et peut-être que ça m'aidera. Il m'a pas répondu, ce qui est pas très étonnant. Peut-être que ça m'a aidé, je ne sais pas trop. En tout cas, récemment j'ai lu un livre, une BD qu'une amie m'a prêtée qui s'appelle Tant pis pour l'amour. Sophie Lambda, je crois, l'autrice. C'est une personne qui, elle, s'est retrouvée dans une relation avec un pervers narcissique, et pour un vrai pervers narcissique, vous voyez, je pense que à force d'accuser les gens d'être des pervers narcissiques, ou des manipulateurs, ou des abuseurs, etc., on en perd de vue ce que c'est qu'un pervers narcissique, pour de vrai, un vrai manipulateur, etc., et il faut arrêter de faire un usage abusif des mots, parce que ça nous aide pas, en fait. Ça nous aide pas, ça met tout dans le même tas, et ça nous prive de toute nuance, donc ça nous prive de toute agentivité microscopique, on va dire, de tout moyen d'agir sur les causes réelles et sur les causes spécifiques de chaque comportement. Enfin bref. Et dans cette BD, très grosse BD, très belle en plus de Sophie Lambda, elle décrit sa relation... avec un homme extrêmement, extrêmement manipulateur, toxique, qui en fait reproduit les mêmes schémas avec les personnes, les différentes personnes avec qui il est, enfin bref. Vraiment, vraiment, vraiment, pour le coup, un bon, vrai connard, vous voyez. et en fait, à la fin de cette BD, elle dit « Bon, alors... On va réfléchir 2 minutes et on va se rendre compte que si lui c'est un coupable idéal, moi je suis aussi une victime idéale. Et elle explique qu'elle a ce que je vais appeler, et je crois qu'elle ne l'appelle pas comme ça, mais c'est exactement ça qu'elle parle, le syndrome du sauveur, c'est-à-dire cette tendance qu'ont certaines personnes et dont j'ai que j'ai à mort quoi à vouloir sauver le monde en fait et à vouloir sauver tout le monde et en fait on est des personnes qui mises face à une personne qui est en souffrance psychologique, qui a des problèmes d'ego, qui fait des choses nulles, mais on comprend pourquoi, parce qu'on comprend que cette personne, gna gna gna gna gna, on va essayer de les sauver, en fait. En essayant de les sauver, on se met en danger, profondément, et voilà, en fait. Et lire cette BD, ça a débloqué ce truc-là chez moi, parce que ça a débloqué ma responsabilité. C'est-à-dire, ma responsabilité dans ce qui m'est arrivé, c'est mon syndrome du sauveur. C'est le truc sur lequel je peux agir. Je peux agir pour arrêter d'essayer de sauver le monde. J'en suis clairement pas là. Là, je vais commencer une thérapie explicitement en ce sens. Parce que je peux pas m'en empêcher. Parce que je suis un tank. Parce que je suis toujours en première ligne sur à peu près tout. Je suis indignée. Et quand je suis indignée, je vais partir en croisade. Et de façon très solitaire. Parce que je suis quand même quelqu'un qui est une... Qui suis quand même assez nuancée dans les opinions que je peux exprimer et dans les analyses que je peux faire. Et donc, je ne vais jamais condamner unilatéralement la personne en face et essayer de naviguer un petit peu entre deux eaux et tout en portant le point de progrès que je veux porter parce que j'ai une vision qui est systémique et qui donc ne s'arrête pas au... je veux jamais... J'essaye de ne pas attaquer les personnes mais d'attaquer le système et franchement... Voilà Don Quichotte. enfin voilà. Et donc en lisant Sophie Lambda, j'ai pris conscience, ou j'ai achevé de prendre conscience du fait que je ne suis pas une victime. Ça n'est pas qui je suis, ça n'est pas mon essence. Je ne veux pas me considérer comme une victime et je peux arrêter de le faire. À la place, je peux me considérer comme quelqu'un qui a des problèmes à régler et ces problèmes-là contribuent à faire de moi la victime idéale de certaines situations, à faire de moi quelqu'un qui va continuer à prendre cher tant que j'aurai pas réglé ce problème qui est en moi. Et donc ce problème qui est qu'il m'appartient de résoudre. Alors ça veut pas dire que je peux pas risquer d'autres formes de violence, et ça veut pas dire que je serai plus jamais violée. Ça veut simplement dire que j'ai au moins une marge de progrès, moi-même, et quelque chose que je peux faire pour me protéger à l'intérieur de moi de ce qui peut m'arriver par la suite. Et c'est quelque chose de très libérateur, en fait. Je ne veux pas être une victime. Et franchement, j'aimerais bien que les gens se rendent compte de à quel point ça peut être destructeur d'assigner victime. Les milieux féministes font beaucoup ça. Ils assignent victime et ils assignent coupable. Alors ça peut aussi être extrêmement destructeur d'assigner coupable. J'ai pas vécu ça dans le cas d'agression... sexuelle, mais voilà, comme j'ai dit, que j'essayais d'avoir des opinions nuancées sur les choses, et je suis quand même quelqu'un d'assez loud, on va dire, dont la voix, qui est tendance à prendre la parole, et occasionnellement, ma voix porte. Je constate qu'il y a une tendance sociale des individus à classer les personnes avec qui... les personnes... qui prennent la parole comme ou des coupables ou des victimes. Dans certains cas, je suis catégorisée comme manipulatrice, quelqu'un qui d'abusif, etc. Et dans d'autres cas, comme celui-ci, j'ai pu, alors là, m'auto-caractériser, ce qui est encore plus, enfin en tout cas, m'identifier à la figure qu'on me proposait, qui était la figure de la victime. Et voilà, en fait, le monde, il n'est pas du tout aussi simple que ça. Vraiment, vraiment, vraiment pas du tout aussi simple que ça. il n'y a pas des coupables d'un côté et les victimes de l'autre. Vraiment. On a tous été victimes dans des situations, on a tous été coupables dans d'autres situations, et on partage une responsabilité commune sur notre vie en société, sur ce qu'on en fait, sur la façon dont on apparaît dans cette société, et sur les moyens qu'on va mettre en place pour essayer de la changer. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'est peut-être un petit peu dense. Je suis désolée si ça paraît, si c'est un petit peu indigeste. Je serais ravie d'en parler, je suppose. Et ça va. Moi, ça va.